Induma palzak, dozu izenek nome Kopuñan notaita, dozu izen balime Halba anien riki, zemame itxarre Iztame zizketxikti, bieldoro Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Alouest Crâne Nouveau. Et pour la première fois dans cette émission, on va découvrir un nouveau pays. Je crois que c'est le dernier qui nous reste. Ah non, il nous reste encore peut-être encore quelques-uns, je sais pas, on va voir Oh, après. oui, il nous en reste quelques-uns, mais alors il y en a où franchement, Ouais. pour trouver quelque chose, faut s'accrocher, C'est hein. Par ça. exemple, voilà, on avait eu l'idée d'essayer de trouver quelque chose là sur la Géorgie, la Moldavie et tout. Jusqu'ici, j'avoue que j'ai fait chou blanc. Donc, mais bon, hein, qui sait, ça se trouve, je vais finir par trouver. Hein, Bah, on espère. bah voilà, c'est ça. Et en tout cas, aujourd'hui, on va en Roumanie. Ouais. Donc la Roumanie, on va commencer du coup avec un groupe qui s'appelle Scandal, qui a été formé en 98. Et alors, même si les membres sont roumains, apparemment, ils ont maintenant tous bougé en Grande-Bretagne, sur Londres, il D'accord. me semble. Mais donc voilà. Et il me semble aussi qu'ils vont fêter, qu'ils vont faire un anniversaire là, de leur groupe début mai, D'accord. et qu'ils vont le faire d'ailleurs en Roumanie. Oh. Voilà, donc de ce que j'ai compris là, ils font un gros concert à Bucarest début mai. Il faudrait que je regarde un peu plus, que je me rafraîchisse la mémoire, mais bon, voilà. Donc ouais, les deux morceaux là que j'ai choisi, c'est Patroula Sougué Poula, qui veut dire la patrouille. Donc oui, je pense les trucs de milice ou les flics quoi, suce la bite, donc voilà. Et le fameux truc, traduit en anglais, je pense que ça rendrait mieux, mais c'est vrai que Ouais. traduit en français, ça fait un peu bizarre comme truc. Bref, bref, bref. Et le deuxième titre, c'est Tattoos. Thank you. Voilà pour Scandal avec Patroula, Sogepoula et Tatouz. Et nous allons aller maintenant du côté de Timișoara avec Guraini. Ouais, Gourani, un groupe formé en 98. Le premier titre, c'est Libertatea Virtuala, qui est chanté donc avec Andrei du groupe House, dont on va passer un titre après, et qui veut dire Liberté virtuelle. Et le deuxième titre, c'est Lupta, qui veut dire le combat. It's only news when there's violence, even when the great majority of the protesters are peaceful. In contrast, the violence of the economic policies they are protesting about is seldom news. The police and the government orchestrated a propaganda campaign. The aim clearly was to alienate the public from the demonstrators by representing them collectively as violent and by suppressing the very issues that have public support. se cupa carne. Mici, marele și mutare, dar sunt ale mele cu păcare. Așa a fost frumos, de-acum s-a dus. A rămas în urmă fum, fum și prea vezi cum. Ce ținea că mintea, mintea, conștiința. Mai are rost să gândesc, mai are rost să trăiesc. Tot și poate să mă lase cu păcate. Mici, mari, rele și murdare, dar sunt ale mele cu păcare. C'était les Guarani de Timișoara avec Libertatea, Virtù e Ale. Alors, eux, ils adorent mettre 15 milliards de voyelles les uns une après les autres. Bah écoute, ça change des 15 milliards de consonnes. C'est ça. Voilà, c'est faut varier, quoi. Ouais, on a bien varié, là. Bah ouais, on est passé de 15 milliards de consonnes à plein de voyelles. Bon, après, les voyelles, c'est quand même plus simple, je trouve. Hein. Après, ça fait bizarre qu'il n'y ait pas un S mélangé avec un Z, quand même. Ça me tracasse un peu. On ne fera pas trop Bien souvent le la... SZC, K. ZCH, hein? Oui? Oui, c'est sûr, il On n'y a fera pas pas trop. trop souvent à la Roumanie, hein. Sinon, ça va te manquer. C'est ça. Et le deuxième morceau, c'était Lupta. Et on en parlait juste avant. Maintenant, c'est au tour du groupe House de Timișoara. Ouais, un groupe formé en 91. Alors, il me semble qu'il est quand même assez légendaire en Roumanie. Qui a été formé donc bah, à la chute du régime, avec des textes très politisés, basés sur la critique de la société, et puis bah, qui parle beaucoup aussi d'anarchisme. Et donc, pour rester, pour montrer bien le thème, le morceau s'appelle Legea Pute, qui veut dire la loi pue. Mașina s-a stricat. Luptați, luptați. C'était House de Timișoara avec Legea Pute. Et nous allons aller maintenant, toujours du côté de Timișoara, pardon, avec dans les années 2000 avec Pavionul 32. Ouais, alors ça, c'est dommage. J'aurais dû regarder comment on dit 32 en roumain. Bon, tant pis. Grave. Tant pis, on a loupé le coche. Là, on grave. Ouais, donc un groupe de Timișoara fondé en 2004. Alors donc, leur description, c'est que eux, ils disent qu'ils n'ont jamais été un groupe, mais plutôt un projet, et qui était de jouer du hardcore punk rapide et de promouvoir des idées radicales, d'apporter une critique radicale aux choses et à la situation dans le monde et en Roumanie en particulier. Voilà, donc le premier titre, c'est Sheer Crazy, qui veut dire Penses-tu vraiment? Pareil, les gars, hein, je ne suis pas spécialiste en roumain, je ne sais pas si je prononce ça correctement, j'espère. Et le deuxième, c'est Solidaritate, qui est, comme on disait, un de leurs titres les plus connus, hein, je pense. Ouais. Donc voilà. Et comme on est dans les petites anecdotes, en regardant la playlist avant d'enregistrer, je me suis rendu compte que ce groupe-là, je le connaissais. Et, mais je ne savais plus si je l'avais vu à Lille ou si c'était dans une autre, si c'était dans un autre contexte. Et en fait, il s'avère que Pavionul 32 ont sorti un EP avec les Lillois de la société À Mauvaise Haleine, dont est issu le titre Solidaritate. Voilà. Voilà. Ma science est étalée. C'était donc Pavili au nul 32 avec Chia Cressy et Solidaritate. Et maintenant, on va aller faire un tour du côté de Bucarest avec Recycle Bin. Ouais, Recycle Bin, un groupe formé en 2007 et bah, en 2008, leur chanteur, qui s'appelle Cosmin alias Pokémon, décède après un concert. Ah Donc, putain. juste après un an de formation, quoi. Mais bon, voilà, ils ont quand même continué et bah, je crois qu'en deux, ouais, voilà, en 2014, ils ont encore sorti un album, quoi. Et donc, le titre, là, c'est Pentru ca, ou ça, je ne sais pas trop, désolé, As Putea, et qui veut dire parce que je pourrais. C'était Russell Clubin avec Pentru as Putea. Et nous allons maintenant aller dans des époques beaucoup plus proches de nous Ah bah avec oui. Soggz. Ouais. Donc, bah, ça reste avec des membres roumains, mais du coup émigrés, quoi, puisque c'est un projet DIY, quoi, qui est né lors des confinements Covid par Vlad de Scandal et Krima, qui était un des membres originaux de Scandal. Du coup, les deux titres que j'ai choisis, c'est Beresit Punk Rock, Soyez Punk Rock, et Unde sunt punkisti, qui veut dire Sous le soleil punk. Doing kiss in lockdown. Ce Ouais, c'est plus grand, mais... C'était Soggs avec Birsi Punk Rock et Undesund Punkisti. Et nous allons terminer notre émission avec le groupe Terror Art. Ouais, un groupe de Craiova formé en 91, qui donc se décrit lui-même comme du post-punk anticapitaliste, anticommuniste et antifa. Eh bien. Voilà, hein, toujours l'histoire très compliquée des pays d'Est, n'est-ce pas? Et le titre, c'est Stéréotype. neighborhood of Roger Scott and Matt Gunnar Scott. He punched the entry because his time was off the court. And it's better come on, they could come in touch with us. Now what's up with the Wiener boy on? And then Tim and Doss. Generacje tota, brakuli ponad majonety, pali te kupę łożylam. Elewit za stefaj, pałą super real. Pojeżdżę z ducha do Shining, a czas swój finaj. C'est avec Terror Art qui sont anticapitalistes, anticommunistes, antifa et qui font du punk rock que se termine en 1991. Et quand même, ça change tout quand même. Hein, c'est ça. Il nous reste. Ah oui, c'est ça, je devais dire merci à Souris. Merci Souris pour la préparation de l'émission et la co-animation. Eh ben, de rien, avec plaisir. Et on se dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour continuer nos pérégrinations dans l'Europe de l'Est, dans l'Europe centrale, dans les pays baltes, et puis on verra quoi. Ouais, partout où c'est super dur de prononcer les titres. C'est ça. Allez. Merci de votre attention et restez à l'écoute de Droogies Radio, car la voix de l'Oi ne s'éteint pas. Salut. Salut.